Troisième partie, chapitre 40, de l'introduction à la vie dévote. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet, ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Sonia. Introduction à la vie dévote, par Saint François de Sales. Troisième partie, chapitre 40. Instruction pour les veuves. Saint Paul, instruisant tous les prélats en la personne de son cher Timothée, lui dit « Honorez les veuves qui sont de vraies veuves. » Or, cette qualité de vraie veuve demande les conditions suivantes. La première est la viduité du cœur, laquelle comprend une ferme résolution de vivre en cet état. Car les femmes qui ne sont veuves qu'en attendant un nouvel engagement ont le cœur tout entier dans le mariage. Que si la vraie veuve voulait se consacrer à Dieu par un vœu de chasteté, elle ajouterait un grand ornement à la viduité et mettrait en sûreté sa sainte résolution, d'autant que la nécessité de garder son vœu pour ne pas perdre le ciel éloignerait de son esprit et de son cœur les plus simples vues et les plus légères inclinations pour un second mariage, si bien que ce vœu serait comme une forte barrière entre son âme et ce qui pourrait s'opposer à la résolution. Aussi, saint Augustin le conseille fortement aux veuves chrétiennes et le savant Origène le conseille même aux femmes mariées, dans la supposition que la mort de leur mari leur rende la première liberté, afin, dit-il, que parmi tout ce que leur état a de sensuel, elles aient, comme par anticipation, le mérite d'une chaste viduité. L'excellence du vœu est grand, car outre qu'il rend les œuvres sur lesquelles il s'étend plus agréable à Dieu, et qu'il inspire du courage et de la force pour les pratiquer, il donne tout ensemble à Dieu nos œuvres, qui sont les fruits de notre bonne volonté, et notre volonté même, d'où procèdent nos œuvres, comme les fruits naissent de l'arbre. La simple chasteté soumet le corps à l'Esprit de Dieu, sans ôter à une personne la liberté d'en disposer pour les engagements du mariage. Mais le vœu de chasteté sacrifie à Dieu le corps et la liberté d'en jamais disposer, de sorte que l'on entre dans le saint et heureux esclavage de l'amour de Dieu, dont le service vaut mieux que la plus belle couronne du monde. Comme donc j'approuve infiniment la pensée de ces deux grands hommes, je souhaiterais aussi que les personnes qui voudraient aspirer à cette perfection ne l'entreprissent pas sans consulter les règles de la prudence chrétienne, qui sont de bien sonder leur cœur, d'examiner leurs forces, de demander l'inspiration céleste et de prendre conseil d'un vertueux et sage directeur. C'est la manière de faire tout avec plus de profit et de sûreté. Secondement, cette renonciation aux secondes noces doit être pure et simple, c'est-à-dire conduite uniquement par le désir de s'unir à Dieu, d'une manière plus pure. Car si l'on y fait entrer le désir de laisser des enfants riches ou quelque autre prétention du monde, la veuve en aura peut-être de la louange aux yeux des hommes, mais non pas aux yeux de Dieu, devant qui rien ne peut avoir un vrai mérite que ce qui est fait pour lui. Il faut en troisième lieu que la vraie veuve se prive de tous les plaisirs du siècle, car celle qui vit dans les délices, dit saint Paul, est morte, toute vivante qu'elle est. En effet, vouloir demeurer veuve et se plaire à être muguetée, caressée et cajolée, se trouver au bal et au festin, retenir en sa personne et en ses habits beaucoup d'usages pleins de vanité et de sensualité, c'est être une veuve morte aux yeux de Dieu, quelque vivante que l'on soit aux yeux du monde. Qu'importe-t-il que l'amour profane fasse servir à ses desseins ou ce que le luxe a le plus riche et le plus riant en habits et en parures, ou l'artificieuse modestie du deuil dont la triste couleur donne encore de nouveaux agréments à la beauté naturelle. Extérieur, d'autant plus dangereux que l'on a su dans le mariage l'art et toutes les manières de plaire aux hommes, une telle veuve n'est qu'une idole de la viduité. Le temps d'émonder et de décharger les arbres est venu. La voix de la tourterelle s'est fait entendre. Ces paroles des cantiques nous apprennent que le retranchement de toutes les superfluités vaines et sensuelles du monde est nécessaire à toutes sortes de personnes pour vivre chrétiennement, mais beaucoup plus nécessaire à une veuve, occupée comme une chasse tourterelle, de ses gémissements sur la mort de son mari. Aussi, quand Noémie revint de Moab à Bethléem, elle dit aux autres femmes qui la saluaient, Ne m'appelez point, je vous prie, Noémie, car ce nom marque une belle et agréable personne, mais appelez-moi Mara, car le Seigneur a rempli mon âme d'amertume depuis que j'ai perdu mon époux. C'est de cette sorte qu'une veuve chrétienne, bien loin de se faire honneur de sa beauté, ni de tous ses agréments, se contente d'être ce que Dieu veut qu'elle soit, c'est-à-dire humble et abjecte à ses yeux. Les lampes dont l'huile est aromatique jettent une plus douce odeur quand on éteint la lumière, et les veuves dont l'amour a été pur et sincère dans le mariage répandent partout une excellente odeur de vertu et de sainteté quand elles ont perdu leur lumière qui est leur mari. Aimer un mari durant sa vie, c'est une vertu commune, mais l'aimer après sa mort, jusqu'à lui conserver son premier amour, c'est la vertu des vraies veuves. Espérer en Dieu, tandis que l'on est soutenu de la puissance du mari, cela n'est pas rare. Mais espérer en Dieu quand on a perdu cet appui, c'est une grande louange. C'est pourquoi la viduité fait mieux connaître les vertus que l'on a eues dans le mariage. La veuve qui est nécessaire à des enfants, soit pour leur établissement, soit principalement pour leur salut, ne doit jamais les abandonner, car l'apôtre saint Paul nous dit qu'elles sont obligées de leur donner ce qu'elles ont reçu de leur père et de leur mère, et que si quelqu'un n'a pas soin des siens, surtout de ceux de sa famille, il est plus méchant qu'un infidèle. Mais si les enfants n'ont pas besoin de conduite, elle doit uniquement appliquer ses pensées et ses soins à se perfectionner dans l'amour de Dieu, à moins qu'une nécessité absolument indispensable n'oblige sa conscience d'entrer dans beaucoup d'embarras, tels que sont les procès. Je lui conseille de s'en abstenir entièrement et de prendre en ses affaires la conduite la plus tranquille, quoiqu'elle paraisse la moins utile. En vérité, il faut que le fruit de ses soins si fatigants soit bien grand pour le mettre en comparaison avec les avantages d'un saint repos. Outre qu'il dissipe le cœur et que la complaisance pour ceux dont la protection paraît nécessaire fait prendre souvent des manières extérieures qui sont fort désagréables à Dieu et qui ouvrent la porte du cœur aux ennemis de la chasteté. L'oraison doit être l'exercice continuel de la veuve, puisque ne devant plus aimer que Dieu, elle ne doit presque plus parler qu'à lui. Et comme le fer qu'un diamant empêche de s'attacher à l'aimant s'élance vers cet aimant, aussitôt que le diamant en est éloigné, ainsi le cœur d'une veuve, que l'amour d'un mari empêchait de suivre tous les attraits du divin amour, doit après sa mort courir ardemment dans ses voies, à l'odeur des parfums célestes, et dire à l'imitation de l'épouse sacrée, « Ô Seigneur, maintenant que je suis tout à moi, recevez-moi pour être tout à vous. Attirez-moi après vous, et je courrai à l'odeur de vos parfums. » Les vertus qui lui sont les plus propres sont une parfaite modestie et un renoncement déclaré aux vains honneurs du monde, à ses assemblées et à toutes ses vanités, la charité à servir les pauvres et les malades et à consoler les affligés, le zèle à engager les filles à une vie chrétienne et à faire de sa conduite un modèle de perfection pour les jeunes femmes. La nécessité et la simplicité sont les deux ornements de leurs habits, l'humilité et la charité les deux ornements de leurs actions, l'honnêteté et la douceur les deux ornements de leurs discours, la modestie et la pudeur les deux ornements de leurs yeux. Et pour le principe de tout cela, Jésus-Christ crucifié doit être l'unique amour de leur cœur. En un mot, la veuve doit être entre les femmes et les filles ce qu'est la violette entre les fleurs. Cette fleur a une douce odeur. Elle se cache avec ses larges feuilles, la couleur n'en est point éclatante, et elle ne vient guère bien que dans les lieux frais et écartés, symbole de la douce dévotion, de l'humilité et abjection, de la mortification et de la chasteté solitaire et tranquille d'une vraie veuve, qui sera heureuse, comme dit saint Paul, si elle persévère dans son état. J'aurai beaucoup d'autres choses à lui dire, mais je lui aurai dit tout, en lui conseillant de lire attentivement les belles lettres de saint Jérôme de Feria à Salvia et aux autres dames qui eurent le bonheur d'être ses filles spirituelles, car je n'y puis rien ajouter sinon cet avertissement, que jamais elle ne doit blâmer celle qui passe à de secondes noces, et même au troisième et au quatrième. Dieu en dispose ainsi en de certains cas, pour sa plus grande gloire, et il faut toujours avoir devant les yeux cette doctrine des anciens, que ni la viduité ni la virginité n'ont point de rang au ciel que celui que l'humilité leur donne. Fin du chapitre 40, troisième partie.